Baba Koko. A ta patience et à Winnie Mandela, zoa solution dans vos divorces et salama. Na lingi bati a poyanga na histoire. Patience y'a 20 ans à ébélé. Lela tango nyoso e na koma kosambela na nzambe.